désir, dans le désir du rôle. C'est juste l'expérience de ta foi. Ferme tes yeux et puis respire, tu n'es pas tout seul. Il faut tout oublier, parfois. Mais tu peux voler avec moi, là-haut où l'oiseau va au ciel. Mais tu peux voler si tu crois, et puis regarder l'arc-en-ciel. Mais tu dois voler. Prends tes ailes, tu viens avec moi sans penser, où habite un rêve éternel. Même si tu es triste et blessé, dans le ciel très lentement, et tu voles évidemment, tu vois. Dans le ciel neige amont, il n'y a ni son ni mort. Allez, sans toi bien et sans tes rêves, d'avoir la paix, la trêve, voler. Tu oublies toutes tes fautes et tes pertes. Ferme tes yeux et puis respire, tu n'es pas tout seul. Libère-toi de ton ciel couvert. Mais tu peux voler avec moi, là-haut où l'oiseau va au ciel. Mais tu peux voler si tu crois, et puis regarder l'arc-en-ciel. Mais tu dois voler, prends tes ailes, tu viens avec moi sans penser. Où habite un rêve éternel, même si tu es triste et blessé, dans le ciel et très lentement, et tu voles évidemment, tu vois. Dans le ciel si légèrement, il n'y a ni son ni mon. Allez, sans toi bien et sans tes rêves, d'avoir la paix, la trêve. voler.